Merci, et je tiens à remercier tout d'abord Monsieur Loskutov de son invitation. Et nous allons nous tourner vers la Suède et la fin du XVIIIe siècle, avec le roi Gustave III. Gustave III que vous avez ici, en 1772, Gustave III rétablit une monarchie forte en Suède par un coup d'État sans verser une goutte de sang. Il a 26 ans. L'ambassadeur de Suède à Paris, le comte de Creutz, envoie à Voltaire le récit de la révolution suédoise. Et Voltaire répond par un quatrain. Jeune et digne héritier du grand nom de Gustave, sauveur d'un peuple libre et roi d'un peuple brave, tu viens d'exécuter tout ce qu'on a prévu. Gustave a triomphé sitôt qu'il a paru. Gustave III, pour célébrer son coup d'État, fait frapper une médaille que je vais vous montrer. La voici. Une médaille où vous voyez une femme tenant à la main un bâton surmonté d'un chapeau. Un chapeau symbole républicain. Légende, Libertas manens, la liberté préservée. Pourquoi ce choix? En 1756, 16 ans plus tôt, le parti des chapeaux au pouvoir à la Diète suédoise avait écrasé une tentative de coup d'État royaliste par les parents de Gustave III. Le roi Adolphe Frédéric et surtout la reine Louise Ulrique, sœur de Frédéric II. Et le parti des chapeaux avait célébré leur victoire par une médaille, légende, Libertas manens. La médaille de Gustave III est identique à la médaille des chapeaux en 1756, avec une différence seulement, à l'exergue, les mots « licentia proscripta », la licence proscrite. Donc, la liberté est sauve, on a simplement évité la mis fin à la licence. Gustave III est intensément conscient de ce que nous appelons aujourd'hui les médias, et il est notamment conscient de l'importance des médailles. Il connaît à fond la France de Louis XIV. Rien d'étonnant à ce qu'il conçoive le projet d'une histoire métallique de son règne fondée sur celle de Louis XIV, projet qui est resté inachevé. Dans ma communication, je vais essayer de répondre à trois questions. Que doit l'histoire métallique de Gustave III à celle de Louis XIV? Quelle image donne-t-elle du règne de Gustave III, et pourquoi le projet est-il resté inachevé? Et il faut que je vous dise que je suis spécialiste de Gustave III, par contre je ne suis pas spécialiste de médailles, donc je demande votre indulgence. Ma présentation est fondée sur les sources qui sont disponibles à la Bibliothèque universitaire d'Uppsala. Je n'ai pas encore eu le temps de me rendre au cabinet royal des médailles à Stockholm, Myntkabinettet, et aux archives nationales à Stockholm. Donc il reste du travail à faire, mais voilà quand même un début. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques éléments de contexte. Sur la scène internationale, la Suède a perdu son statut de grande puissance européenne après la mort de Charles XII. La Suède fait figure de, ou le roi de Suède fait figure de parent pauvre à côté de Catherine II de Russie, sa cousine germaine, ou du roi de France, Louis XV puis Louis XVI. Sur le plan intérieur, le royaume de Suède présente un système politique original, pendant l'enfance, la jeunesse de Gustave III. Le pouvoir politique est aux mains de la Diet, en suédois le Riksdag, où s'affrontent les deux partis, des chapeaux et des bonnets. Le roi a un minimum de pouvoir. Il n'a même pas le droit d'abdiquer. La Diet comprend quatre ordres ou états, non seulement la noblesse, le clergé et la bourgeoisie, mais aussi, un quatrième ordre, les paysans. Et ceci va permettre, dans les années 1760, cela permettra aux trois ordres roturiers, clergé, bourgeois, paysan, de s'unir contre la noblesse pour faire passer des mesures hardies. Ainsi, la loi de 1766 sur la liberté de la presse, qui abolissait la censure et qui, pour la première fois au monde, établissait le principe de la transparence dans la vie publique de l'État. La plupart des documents émanant de l'administration deviennent accessibles aux citoyens suédois. Gustave III, par son coup d'État en 1772, affirme avoir mis fin à la discorde et la licence. Les médailles sont présentes dans l'éducation de Gustave III, et son enfance et sa jeunesse sont ponctuées de médailles. Voici une médaille frappée pour sa naissance en 1746. Vous voyez le grand cœur royal qui attire les petits cœurs des sujets. Voici aussi une médaille frappée pour la majorité de Gustave III à l'âge de 16 ans, 1762. La légende Laetitia crescenti, à la joie grandissante, avec une belle métaphore où l'adolescent devient la joie grandissante. La mère de Gustave III, Louise Ulrich, a aménagé un cabinet de médailles à son château de Drottningholm, près de Stockholm. Le savant Karl Reinhold Berg y montre des médailles romaines au petit Gustave quand il a 8 ans. Le premier gouverneur de Gustave, Karl Gustav Tessin, ou Tessin, le comte de Tessin, il y a eu une exposition sur lui au Louvre l'année dernière, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont vu, et il est le fils de Nicodème Tessin le Jeune, dont nous a parlé Robert Wellington hier. Donc, le premier gouverneur de Gustave, Tessin, est féru de médailles. Il enseigne à son élève l'histoire des médailles. Dans une lettre qu'il écrit en 1755, Gustave a 9 ans, il conclut sa lettre en disant qu'il serait souhaitable que les souverains de la terre rivalisent entre eux par la publication d'histoires numismatiques, en suédois Numismatisk historia. Et un dernier élément de contexte, Gustave III, je vous le disais, connaît à fond la France de Louis XIV, et quand il rétablit une monarchie forte par son coup d'État, il se réfère au modèle Louis XIVien. Il établit des cérémonies, comme la cérémonie du lever. Il établit une étiquette stricte. Lorsqu'il crée un opéra national suédois à Stockholm en 1773, lorsqu'il crée ce premier opéra national à Stockholm en 1773, il se tourne non pas vers l'opéra comique pour lequel se passionne le public parisien de l'époque, mais à la tragédie en musique Louis XIVe. Et je vais vous montrer ce projet de décor de Jean Bérin, qui a été utilisé pour le premier opéra suédois qui a été représenté sous Gustave III, Tétis och Pelé, une imitation de la tragédie en musique Tétis et Pelé par Fontenelle et Colas. Voilà, j'en arrive maintenant à l'histoire métallique de Gustave III. Le roi conçoit le projet d'une histoire métallique de son règne vers 1779-80. L'histoire métallique de Catherine II, je me tourne vers M. Loskutov, elle a certainement été pour Gustave III une source d'émulation. L'organisation est mise en place en 1782 et comme pour l'histoire métallique de Louis XIV, le projet comporte deux volets. D'une part, une suite de médailles commémorant les événements du règne année par année et d'autre part un livre comportant les reproductions des médailles et des textes explicatifs. Le projet est placé sous la tutelle du chancelier de la cour, Frédéric Sparre, au responsable des archives des antiquités, Antiquitetsarkivet, à Stockholm. La rédaction des textes est confiée au secrétaire de ces archives, Adler Bett, qui est à la fois homme de lettres et fonctionnaire. On fait appel à plusieurs graveurs, Jungberger et Fährmann pour les médailles, Jakob Gilberg pour les planches. Ils ont tous fait des études, tous les graveurs ont fait des séjours d'études en France et aussi en Italie. Et le projet est assuré d'un généreux financement annuel. En 1786, un élément nouveau intervient, car le roi Gustave III réorganise ses académies. Il crée de toutes pièces l'Académie suédoise qui est calquée sur l'Académie française. Et d'autre part, il redonne vie à l'Académie des belles-lettres, Vitterhetsakademien, qui avait été créée par sa mère, Louise Ulrich. Les fonctions de la nouvelle Académie des belles-lettres correspond à celle de l'Académie des inscriptions. Cette Académie suédoise des belles-lettres doit notamment inventer les nouvelles médailles et élaborer les textes. Adler Bett devient secrétaire de l'Académie des belles-lettres sous sa nouvelle forme. J'en viens aux réalisations. Comme je vous le disais, je n'ai pas encore pu me rendre au cabinet des médailles à Stockholm et je vais vous parler aujourd'hui du livre inachevé dont la bibliothèque universitaire d'Uppsala possède un exemplaire. Le titre suédois est calqué sur le titre français, Médaille des principaux événements du règne de Gustave III. Le livre est calqué, peut-on dire, sur le livre officiel, le livre suédois est calqué sur le livre officiel suédois et plus précisément sur l'édition de 1723 dont Gustave avait certainement un exemplaire à la bibliothèque royale. C'est quelque chose que je vais vérifier. Pour illustrer mon propos, je choisis une planche du livre suédois. Je vous prie d'excuser la qualité de mes photographies qui n'est pas très bonne. Mes photos ne rendent pas justice à l'original. C'est mieux que ça. Le format est in-folio. La mise en page suit celle du livre officiel français avec un encadrement et puis de haut en bas la reproduction de la médaille, l'avers et le revers, l'année, et l'année se trouve, si j'ai bien compris, dans l'édition de 1723, mais pas dans celle de 1702, le titre de la médaille, l'explication et un cul de lampe. Et ici, il s'agit du prince Gustave, excusez-moi, hein, c'est du patriotisme, je viens d'Uppsala, du prince Gustave, chancelier de l'université d'Uppsala. Donc le cul de lampe vous montre une chouette, l'oiseau de Minerve pour l'université d'Uppsala, la science. Les médailles donnent une représentation tantôt réaliste, tantôt allégorique, comme dans le livre français. Et voici une reproduction de la médaille de cette planche, enfin la médaille de Gustave Chancelier. C'est le bâtiment du Gustavianum, qui était alors le bâtiment de l'université d'Uppsala. On remarque toutefois deux différences entre les ouvrages français et suédois. D'une part, l'encadrement est uniforme pour toutes les planches, c'est moins cher. Et puis alors, oui, je reviens à la planche. Vous voyez, pas très bien, mais enfin, en haut, tout en haut, au centre, vous voyez une gerbe, c'est l'emblème dynastique des Vasa. C'est la dynastie de Gustave III. Autre différence, une différence qui concerne les textes explicatifs. La planche contient uniquement l'explication de la médaille, l'avers, le revers de la médaille. Les descriptions historiques devait être imprimé sur une feuille séparée en suédois et en traduction française. Et dans l'exemplaire de la bibliothèque universitaire d'Uppsala, j'ai trouvé une feuille imprimée, la description historique en traduction française, et plus de 30 feuilles manuscrites de descriptions historiques qui sont intercalées entre les planches. Quelle image l'histoire métallique de Gustave III donne-t-elle de son règne ? C'est d'abord une affirmation de la monarchie suédoise. Plusieurs médailles sont consacrées au coup d'État de 1772, la révolution de Gustave III, comme il l'appelle, dont celle-ci, où vous voyez Gustave III en percé, qui délivre Andromède, c'est-à-dire le royaume de Suède, du dragon de l'anarchie. Une autre médaille de l'histoire métallique montre Gustave III en Samson. Donc là, on fait appel à l'histoire biblique. Le genre même de la médaille et le style néoclassique sont des garants de continuité. Mais en même temps, la monarchie que célèbrent les médailles se veut moderne, au goût du jour. Plusieurs médailles sont consacrées aux réformes éclairées de Gustave III. Et voici d'abord l'abolition de la torture comme méthode d'interrogation judiciaire. Cette abolition fait décréter Gustave une semaine seulement après son coup d'État. Là, c'est vraiment une réforme dans l'esprit des Lumières. Par contre, l'édit sur la liberté de la presse de 1774 est discutable. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette loi de 1766 sur la liberté de la presse, très avancée. L'édit de Gustave III, en 1774, restreint en fait la liberté de la presse. Et en 1780, les imprimeurs deviennent en pratique censeurs de leur propre publication. Donc la censure en pratique est rétablie. Quelques années plus tard, les journaux sont muselés. Et voici l'image que nous donne l'histoire métallique de Gustave III. La médaille a été frappée en 1785, la planche a été réalisée en 1787. Je commence par le cul de lampe, où nous retrouvons la femme tenant un bâton surmonté d'un chapeau, donc symbole de liberté. Voyons maintenant la médaille. Alors, d'après la description de la médaille, un homme en costume de paysan suédois joue du pipeau. La légende est tirée du premier églogue de Virgile. Il m'est permis de jouer sur mon pipeau ce que je veux. Et enfin, la description historique, manuscrite, la traduction française que nous avons à Uppsala. Le roi jugea cependant que le premier attribut de la liberté est celui de penser, de combiner ses idées et d'en communiquer le résultat. Il prévit combien du choc des opinions jaillirait de rayons de lumière qui pourraient éclairer le gouvernement et les particuliers. Une troisième réforme éclairée, la liberté religieuse, la tolérance religieuse. 1779, les catholiques et les juifs étrangers, je souligne étrangers, sont autorisés à pratiquer leur culte en Suède. La raison en est avant tout d'ordre économique. Il s'agit d'attirer les capitaux étrangers, et cela est dit clairement dans la description historique. La tolérance religieuse ne plaît guère au clergé luthérien suédois, même si elle s'applique uniquement aux étrangers. Gustave III fait profession de foi luthérienne par une médaille à l'occasion de sa visite à Rome en 1784, le premier service évangélique célébré publiquement à Rome. Et Gustave III a besoin de se démarquer du catholicisme, car sa présence à une messe de minuit célébrée par le pape à Rome en 1784 a soulevé des interrogations en Suède. Plusieurs médailles présentent Gustave III comme patron des arts et des lettres. Le nouveau bâtiment de l'opéra, cet opéra qui avait été créé en 1773, mais le nouveau bâtiment de l'opéra est inauguré en 1782. Vous le trouvez à gauche sur cette aquarelle de Johann Friedrich Martin. Un très beau bâtiment, malheureusement aujourd'hui disparu. La médaille célèbre l'événement sur le mode allégorique. Et c'est aussi sur le mode allégorique qu'on célèbre la nouvelle Académie des Belles-Lettres dont je viens de vous parler en 1786. Gustave III propose une image de lui aussi en tant que protecteur de l'économie et du commerce. Et nous trouvons ici un accent nordique. Voici une des médailles qui ont été frappées pour célébrer la naissance du prince royal, le fils de Gustave III, 1778. Il s'agit d'exprimer la joie à l'occasion du prince royal, la joie des montes, c'est-à-dire des mines et des forges. La Suède vit de ses métaux. Donc, les mines et les forges, de même que les forêts sylvae, expriment leur joie. Et voici maintenant la navigation au Groenland avec la pêche à la baleine. Et vous voyez, j'espère, les icebergs au fond, à l'arrière-plan, et vous voyez deux baleines qui lancent des jets d'eau. Alors là, c'est vraiment une médaille nordique. Et je vous montre encore l'acquisition par la Suède de la petite île antillaise de Saint-Barthélemy que la Suède achète à la France en 1784. Par cet achat, la Suède devient une puissance coloniale européenne sur une toute petite échelle et entre, sur une toute petite échelle, dans le concert des nations européennes qui pratiquent l'esclavage. Les médailles de Gustave III sont essentiellement pacifiques. Il n'y a pas de haut fait militaire avant la guerre contre la Russie en 1788-90, et c'est une guerre qui commence mal pour Gustave III. Mais il a quand même remporté une victoire navale lors de la bataille de Svensksund, que célèbre une médaille et une planche. Au total, le projet d'histoire métallique de Gustave III a produit 82 médailles et 87 planches. On en prévoyait plus de 100. Et ceci a un coût astronomique pour cet état modeste qu'était la Suède. On a calculé que ce coût correspondait à 40 000 journées de travail fournies par des journaliers en Suède. Alors pourquoi le projet n'a-t-il pas été achevé ? Il y a eu des difficultés d'ordre interne pour imprimer les descriptions historiques. Gustave III et Spare veulent utiliser des caractères d'ido. Ces caractères d'ido, il faut les importer. Il faut les faire venir de Paris. Et on veut faire au moins cher. Deux imprimeurs se disputent la commande et les choses traînent jusqu'en 1788. Or, en 1788 et pendant les dernières années du règne de Gustave III, les difficultés s'accumulent sur tous les fronts. D'une part, sur le front international, cette guerre contre la Russie. D'autre part, des tensions politiques intérieures qui vont croissantes et qui vont culminer le 16 mars 1792 avec l'assassinat de Gustave III sur la scène de l'opéra de Stockholm qu'il avait fait construire. C'est le sujet du Ballo in Maschera de Verdi, l'opéra de Verdi. Ce sera aussi, bien sûr, le sujet d'une médaille, la mort du roi. Et je vous montre, j'espère, oui, c'est un peu flou, mais j'espère que vous voyez les contours de cette apothéose de Gustave III, un dessin par le graveur Fährmann pour la médaille qui a été frappée. Alors, après la mort de Gustave III, et là je résume très très brièvement, son fils Gustave IV Adolphe a tenté de reprendre le projet de son père et de l'achever, mais ça n'a pas donné de résultat en pratique. Gustave IV Adolphe a été déposé. Bref, le projet est enterré. Et j'en arrive à ma conclusion. L'histoire métallique de Gustave III est calquée pour la forme sur celle de Louis XIV. Elle veut donner l'image d'une monarchie suédoise forte, moderne, éclairée. Mais la Suède, où règne Gustave III, est un état modeste dans l'Europe du XVIIIe siècle. Et là où Catherine II, la cousine de Gustave III, a réussi une histoire métallique, l'histoire métallique de Gustave III est un demi-échec. Et je me réjouis d'entendre la communication de M. Loskutov. Merci.